suis très content. Oui. Tout est en ordre. Moyenne. Leçon 16. L'action 16. Avec la fête de Pâques, commence la saison des jours fériés. Il y en a pratiquement chaque mois, sans parler des grandes vacances. Großvakanz oder Zimmervakanz, qui au Luxembourg perdure du 15 juillet au 15 septembre. Voyons un peu les noms luxembourgeois pour ces jours fériés, en commençant bien sûr par le premier de l'année, Neujahrstag, le nouvel an. Le 2 février, c'est les enfants qui font la fête. Munis de lampions, ils font le tour des maisons, chantent les chansons traditionnelles du Lichtmeister et sont récompensés par des sucreries ou quelques sous. Bien sûr, Lichtmeister n'est pas un jour férié. Il en est d'ailleurs de même pour une autre fête qui a lieu le 14 du même mois, la Sainte-Valentin, Feldestag. En février ou en début mars, le carnaval, Pfuesend, incite à l'amusement populaire. Le dimanche de carnaval s'appelle Pfuessondag et il est suivi d'un jour férié, Pfuessmeindag, le lundi de carnaval. Pfuessondag, bien qu'un dimanche ordinaire, est quand même marqué par une vieille tradition visant à chasser l'hiver. La nuit venue, des croix de paille sont brûlées par la jeunesse des villages. Puis vient Pâques, Ostern, avec 15 jours de vacances pour les gosses et un jour férié pour les adultes. Le lundi de Pâques, Ostermeindag, où traditionnellement il y a les Maïsien au marché aux poissons, Fischmarkt à Luxembourgville. Le dimanche suivant s'appelle Weißen Ostern. Weiß voulant dire blanc, comme les robes des petites filles qui ce jour-là font leur première communion, Teich Communion. Ajoutons cependant que les fêtes de la première communion se répartissent sur plusieurs dimanches. Le 1er mai, bien sûr, on célèbre la fête du travail à Luxembourg comme ailleurs, Teichmeefest. Début mai aussi commencent les pèlerinages à la cathédrale de Luxembourg en honneur de la Sainte Vierge. Et bien que ces pèlerinages s'appellent octaves, ils durent 15 jours et se terminent par la procession de clôture, Schlussprozession. Pendant ces 15 jours, il y a un petit marché à la place Guillaume, Knödler, qui s'appelle Oktavsmärchen, et où on peut s'acheter un nouveau chapelet ou bien manger un bon poisson, a gebackene Fisch. L'ascension s'appelle Herrenfester, mais beaucoup de Luxembourgeois ne connaissent plus ce mot et utilisent le terme allemand Christi Himmelfahrt. Ce qui nous mène droit à la Pentecôte, Pfingsten, avec un jour férié le lundi, Pfingstmeindag, surtout connu par la fête du jeûner, Gänsefest, à Wils, Volz, en luxembourgeois, comme le mardi de Pentecôte est connu pour la procession dansante, Sprungprozession, à Eschternach. Début juin, normalement le deuxième dimanche, nous célébrons la fête des mères, Mamendag. La fête nationale, Nationalfeiertag, suit le 23 juin avec une grande fête populaire, Volksfest, un cortège au flambeau de Fackelzug et un feu d'artifice, Friedefeier, la veille du jour. Il y a une parade militaire, un Te Deum solennel à la cathédrale et des coups de canon sont tirés à partir des trois glands, auf den Dreieichlen. Comme vous l'aurez remarqué, les Luxembourgeois ont l'habitude extrêmement sympa de compenser un jour férié qui tombe sur un dimanche ou un samedi par un jour de congé supplémentaire. Après la fête nationale, il faut attendre le 15 août en pleine vacances d'été pour le jour férié suivant, l'Assomption, Maria Himmelfahrt ou Leif Krautwächter. Une semaine plus tard, c'est la fameuse Schobafaua qui ouvre ses portes au glacis à Luxembourgville et qui nous apporte, le lendemain du Fauersondag, la grande braderie de la ville et un jour férié pour les gens qui y travaillent. Puis, les Luxembourgeois se ruent à nouveau sur les activités culturelles et sociales pour le mois d'octobre. Il y a juste la fête des pères, Papendag, à signaler. Vient la Toussaint, Allerheiligen, le 1er novembre, suivi d'Allerseelen, qui n'est pas un jour férié officiel, mais en fait un jour libre pour beaucoup de gens. Le 6 décembre, Nikloster, Saint-Nicolas, vient à Luxembourg pour apporter des jouets et des sucreries aux enfants sages, alors que les parents sages doivent attendre Noël, Krister, pour avoir leurs cadeaux. La veille de Noël s'appelle Helgenoven et le 26 également est un jour férié qui s'appelle Stiefester. La veille du Nouvel An porte le même nom qu'en français, Sylvestre.